En 2005, de nombreuses commémorations particulièrement retentissantes, spectaculaires et pour le moins contestables ont eu lieu à travers le monde. Londres, Bagdad, Istanbul, Sharm el-Cheikh, en souvenir du 10e anniversaire du métro Saint-Michel en 1995. Or donc, en 1995, une vague d'attentats déferlait sur la France. La maréchaussée aux abois mugit jusque dans nos campagnes, verbalisant nos fils en mobilette et nos compagnes en double fil de caddie au supermercat. Alors moi, par sécurité. J'ai été faire quelques emplettes à la supérette du quartier sans difficulté et j'ai trouvé les indispensables objets pour réaliser mon projet. Une poubelle en plastique, une bonbonne de butane, une cocotte minute en alu, un réveil matin mécanique en remontée qui fait tic-tic. Car demain je pars en vacances pour faire du camping en Provence. Car avec tous ces attentats, je serai beaucoup plus tranquille là-bas. Pour aller jusqu'à ma voiture, tout à l'autre bout de la rue, j'ai mis la cocotte, la bonbonne et le réveil dans la poubelle. Et avec ma poubelle sous le bras, sur le trottoir, je vais quinquer. Je fais un arrêt au bar tabac, en face du commissariat. Comme la poubelle m'embarrasse, je la pose sur la terrasse. Le temps de prendre un paquet de cigarettes et de m'envoyer une maminette, je me retrouve la tête sur le comptoir, paluché par trois malabars. J'ai pas le choix, mais je trouve malhonnête qu'on fasse des passages à tabac dans les débits de cigarettes plutôt que dans les commissariats. Mais tout ça n'est pas bien grave, puisque demain, je pars en vacances pour faire du camping en Provence. Car avec tous ces attentats, je serai beaucoup plus tranquille là-bas. Mais ça serait quand même vous mentir, dire que j'ai pas gardé le souvenir de la main velue et baladeuse qui me farfouille les valseuses. Autour de moi, il n'y a qu'une couleur, ça je l'affirme sans erreur. Les uniformes, le gyrophare, tout est bleu, surtout les cocards, les deugnons que j'ai pris sur le cigare. C'est l'alerte, le gris ou le blitz. Il n'y a que du bleu autour du soleil, plutôt Waterloo qu'Austerlitz. J'entends une sirène à bâbord, l'autre à tribord, on quitte le port. Où je suis arbitre au Parc des Princes et je viens de siffler un pénalty à 30 secondes de la fin contre le Paris Saint-Germain. Mais tout ça n'est pas bien grave, puisque demain, je pars en vacances pour faire du camping en Provence. Car avec tous ces attentats, je serai beaucoup plus tranquille là-bas. Je me réveille, je suis groggy, j'ai dans le crâne un gazouillis qui fait l'arsène sur mon ampli. C'est l'intégrale de Woodstock, sifflée par les oiseaux d'Hitchcock. Alors je me retrouve en garde à vue devant un espèce de fou cul qui doit avoir une gueule de chiotte tellement il se planque derrière son spot. Je lui dis « Arrêtez, j'y vois rien !» Il me dit « Non, toi, tu es iranien, islamiste, je suis intégriste. » Mais je suis un citoyen intègre, je le jure sur les clous du Christ. Il me dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr, c'est donc lui qui fournit les clous. Avoue que tu es intègre, Christ. Ce coup-ci, mon gaillard, tu es bon. Allez, signe ta déposition. J'étais tombé sur le plus con des flics de la télévision. Pas de peau, c'était Navarro. Et je me retrouve à Clairvaux. Comme ils m'ont bouclé pour perpète, j'aurais préféré les baumettes afin de partir en vacances pour faire du camping en Provence. Car avec tous ces attentats, j'aurais été bien mieux là-bas.